de Paris sans fin. Acaste vous poursuit, vous n'avez rien à craindre. Sur quelque espoir qu'il forme ses desseins, tombe sur connaître la foudre. Plutôt qu'on puisse me résoudre à vous livrer entre ses mains. Seigneur, une beauté si grande, malgré le cœur d'un véritable roi. Lorsque pour vous je fais ce que je dois, à votre tour la justice demande. Vous fassiez quelque chose pour moi. À vous voir dans ma cour, mon peuple s'inquiète. Il pense qu'avec vous, vous traînez de malheur. Et que ma complaisance à vous donner retraite ne lui soit qu'un sujet de pleurs. Pour le guérir de ses alarmes, allez attendre en votre lieu, pendant le tumulte des armes, ce que de nos destins entendront les lieux. À vos enfants, je veux servir de père, pour lui, puisque je l'ai promis, je combattrai vos ennemis. C'est plus que je ne devrais qui ne doit tomber que sur vous. amar, peut-être est-on jaloux, mais enfin, mes sujets vous souffrent avec peine. Pressez pas vous pour sortir de ma cour, je ne puis vous donner que le reste du jour. À ton amour, tout espoir est permis, ta rivale à partir s'apprête. Par ce choix, je trompe l'espérance, mais l'hymen de Jason l'arrête en mes états. Au plus grand des héros, j'en remets la défense, et préférant son alliance, je te donne et ne te perds pas. Une ruse nouvelle. Midi est prêt à nous quitter. Il faut bien qu'en ces lieux vous demeuriez sans elle, tant que nos ennemis seront arrêtés. Comme dans vos adieux, il faudra de l'adresse à lui cacher sous quel espoir pour l'éloigner. J'use de mon pouvoir. Prenez avis de la princesse. Qu'ai-je à résoudre encore? Il faut vivre pour vous, il faut jamais. Ses armes suspend le succès de mes feux. Du moins, belle princesse, agréez qu'à vos charmes j'offre l'hommage de mes voeux. Dans le doux espoir qui me flatte, mon amour ne peut plus se tenir enfermé. Il faut enfin que cet amour éclate aux yeux qui m'ont charmé. Au cœur qui s'applaudit d'une illustre victoire, même dans son penchant, que rompu ce tendre et pur hommage qui vous répondra de ma foi et qui, si mille voix par un doux assemblage de mon amour vous parle avec moi. Thank you. sait s'il s'agit en ce jour d'avoir le cœur sincère et d'aimer qui vous aime. L'amour sur ce qu'il veut.